trouver en Jésus l'ami qui est toujours pour moi. C'est le plus beau don qu'il m'ait pour mon âme. Il est de l'éternel la vallée et en Christ je trouve ma purification et ma quête. Mon réconfort en effet, appuie dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque péché. Alléluia, brillante étoile du matin, le riz de la vallée, c'est le plus beau nom. C'est qu'il me pouvonne, mon réconfort dans les fêtes, appuie dans les tourments, il m'invite à réconcilier chaque côté. Alléluia, rayonne toi et ma soeur, le dit. Et la vallée, c'est le primordial et immense pour mon âme. Il a prié pour te sur lui. Il a prié pour te sur lui. Comme tout il t'a fait, ma toute force est puissante et tentation pour lui. J'ai tout abandonné et posé vers mon cœur. Mais si t'en n'est pas sa puissance humaine, oh, même si le monde m'abandonne, tout est abandonné. Alléluia, la rayonne et toi qui m'appelle, le lit et la marée, c'est le plus beau dans les dîmes pour mon âme. Oh, même si le monde m'abandonne, tout qui s'attendait, alléluia, la rayonne étoile du matin, et la vallée, c'est le plus beau dans les humains pour mon âme. Ne me quittera jamais. Il ne me quittera jamais. Tant que j'ai la foi et fait sa volonté, un mur de peur, un mur de peur autour de moi. Maintenant je ne crains rien, mon âme a parlé, alléluia, la rayonne étoile du matin, le plus beau d'entre 10 000. Jésus-Christ est distinct. Amen. Dans nos vies, dans l'Église. Amen. Il se distingue toujours. Amen. Le meilleur d'entre tous. Amen. Le plus grand de tous. Amen. Le plus beau d'entre 10 000. Amen. Que ce nom soit béni. Amen. Que ce nom t'exauce. Amen. Amen. Que ce nom te fortifie. Amen. Que ce nom te protège. Amen. Qu'il te soutienne. Amen. Qu'il te guérisse. Amen. À la fois physiquement. Amen. Et spirituellement. Amen. Lui à tout. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ton, la grâce que tu nous donnes ce soir. Même pour que ton nom, dans un climat de paix, dans le calme du quartier Salongoï, de la ville de Kinshasa, ici en République démocratique du Congo, nous t'aimons Seigneur, de l'amour dont tu nous as aimés. Dieu mieux que nous pouvons, nous attendons au meilleur de ta part. Mais nous mieux que ce que nous sommes. Élève-nous à un niveau plus élevé. Donne-nous une guérison à un niveau supérieur. Dans l'esprit. Une guérison éternelle. Le salut de l'âme. Le salut éternel. Parle à chacun de nous. Par les mots d'exhortation. Édifie notre foi, Seigneur. Chasse l'ennemi pour nous. Goûte les dehors. Dans la puissance et la force des ténèbres. Et donne gloire à ton nom. Nous croyons, nous invoquons, nous aimons et que nous servons. Exauce notre prière, toutes nos prières, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu à des endroits. Marc chapitre 5. Marco Capitano, ici dans le Nouveau Testament. Ahora, puis nous lisons également dans le psaume 86. Alors, Marc chapitre 5, Marco Capitano, le verset 33, le 34. La femme est priée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. La colère, après qu'il soit, il y a paix, il y a paix, il y a paix, il y a paix, il y a paix, moi la moitié, on dit manayo, et il y a paix, et il y a paix, jala, en d'autres malades, on paix, la partie la yo, il faut souper. Psaume 87, un diambo, tout comme un diambo, verset 1, le mot est un mot, à toi, qui nous a mis. Il est fondé sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Mon concours naïe est allé du colon dans Gomba, mon santo. Yahweh a kolingaka di kuke na Siona, iboso na di fandelo na Yakobo, nyoso. Makambo na lokumu alobama ki mpona yo. Mboka na zambi. Mboka na zambi. Adjo, venisse la lecture de sa parole. Dame, a pas parlé de fanny de banagé. Et veuillez vous asseoir. Donc, oui, pour vous. Bienvenue à cette exhortation. Oui, madame, dans l'édition. Nous ne pensons pas que ce sera encore long ce soir. Nous voulons lire quelques paroles, méditer un bel instant, et bénir le nom du Seigneur notre Dieu, qui fait pour nous des merveilles sans cesse. Hier, je crois, vous étiez témoin. nous avons annoncé le terme que nous avons péché. Et je ne sais même pas comment je me suis retrouvé dans les choses que j'ai tenté de pécher. Après la prédication, comme si j'étais un peu choqué moi-même. C'est-à-dire que les je commençais à repasser un peu la prédication en revue. Et alors, il y a une phrase sur laquelle on est revenu plus d'une fois. Les choses ont été dites sur toi. Les choses ont été dites sur toi. Ça a été répété. Pendant que je méditais, je réfléchissais là, quelque chose me dit, ça y est dans la Bible. Et là, comment vous avez réfléchi, c'est dans la Bible. Cette chose-là, on a répété là, et là. Et là, quand on a répété là, c'est dans la Bible. Les choses ont été dites. Comment vous avez remarqué, c'est dans la Bible. La Bible, où? La Bible, où? J'essaie de chercher dans ma mémoire, je dis, comme le nom de la Bible, c'est dans la Bible. Je me repose. Aujourd'hui, j'ai encore repris. Mais les repris, ouvrant ma Bible, et c'est le psaume 87. Les alliés, j'aime tout pour moi, tout pour moi, mais il y a des années qu'on a prêché dessus. Et ça, c'est pour les qui ont été à qui le corps. Écoutez, le verset 3 dit les choses glorieuses. Ma ont été dites sur toi. Malheureusement, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Alors, quand j'ai vu ça, et lu la suite du passage, l'inspiration de la prédication vient. Mais pas que pour des choses matérielles de la terre. Mais Dieu t'appelle à nouveau à la nouvelle naissance. Dieu veut guérir ton corps et ton âme. Dieu veut ça. L'inspiration de la prédication d'hier. Le même Dieu qui guérit ton corps, c'est le même Dieu capable de guérir ton âme. Et pour la guérison de ton âme, c'est même plus important. Qu'il y a même. Et Dieu fait ça. Que la guérison du corps, Abraham nous apprend qu'elle est une guérison temporaire. Mais la guérison de l'âme, elle est une guérison éternelle. La guérison du corps, quelle que soit la maladie dont vous êtes guéri, est une guérison temporaire. Mais la guérison de l'âme est une guérison éternelle. Est-ce que tu as vu? C'est vrai. Que Dieu soit béni. Amen. Et toi, tu peux aimer ça. Ceux qui ont vécu le mal. Et comprendre et croire cela. Alors je crois que quelque chose doit changer dans ta manière de parler. Lancez un appel à l'hôtel dans la prédication et puis Jésus vint. Et le 10 mars 1957, au paragraphe 68, la dernière partie. Et c'est nous à je vous attends, cher ami. Et votre petit corps ne vaut pas grand-chose. Dieu n'a-t-il pas dit que tu es poussière et que tu retourneras la poussière? Votre petit corps, quelle que soit la manière dont vous l'habillez, mettez des habits de grands valeurs et de grands prix, ne vaut pas grand-chose. Mais cette âme vaut 10 000 mondes. L'âme qui a dans votre corps a une valeur estimée à 10 000 mondes. Mais votre corps physique qui vous conduit au péché, à la trahison, au désordre, au gouvernementage, au suivi, à la prostitution, au convoitisme, aux infidélités, ce pauvre corps-là ne vaut pas grand-chose. Amen. C'est c'est encore des boutons. Et ça, c'est ça que vous allez comprendre. Il vous invite beaucoup fréquemment en Europe. Et vous allez comprendre que vous avez mis les rendez-vous. Mais l'âme que Dieu a placé au rendez-vous. Pour 10 000 morts. Alors, c'est la guérison à un plus haut niveau. C'est la guérison éternelle. C'est la guérison de l'âme. C'est la guérison éternelle. Quand un homme est guéri ici sur l'estrade, il tombera de nouveau malade. S'il vit longtemps. Mais quand un homme est sauvé ici, il a la vie éternelle. Et il le ressuscitera au dernier jour. Voilà la différence. C'est la guérison éternelle. Ceci est une guérison temporaire. Mais Christ est ici confirmé. Il est l'auteur de la guérison du corps. Il est aussi l'auteur de la guérison de l'âme. La guérison du corps se situe ici à un stade très bas, un niveau inférieur. Mais la guérison divine est plus haut là-bas. La guérison de l'âme. Il est situé plus haut là-bas. C'est une guérison éternelle. C'est de ça que vous et moi avons tellement besoin. Amen. C'est une vraie guérison. C'est l'âme. Alors, dans le psaume 86, qu'est-ce qui était écrit là? Dans le verset 4 à 5. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, dire avec l'Éthiopie. Alors, je dis, je suis le pays d'Éthiopie. C'est en fillon qu'il est né. Une nation née, ça ne fait venir que par un miracle. Moi, je dis, vous pouvez venir la différence. De Philistins. Un circoncis de naissance. Mayen et gentil. Un croyant invétéré. Comment peuvent-ils être comptés parmi ceux qui connaissent Dieu? Dieu, notre Dieu, est le Dieu des miracles. À lui, rien n'est impossible. Sachez-le. Oui. À votre Dieu, rien n'est impossible. Dieu dit, je proclame de sa parole l'Égypte et Babylone, des idolâtres invétérés et chroniques connus des idolâtres nés dans l'idolâtrie, grandis dans l'idolâtrie, qui meurent dans l'idolâtrie. Mais je proclame, quand Dieu le dit, c'est que le changement intervient. Quand Dieu parle, tout peut changer. Même le statut des gens. Parce que hier, l'Esprit vous l'a dit encore. Amen. Votre réputation. Votre entourage peut changer. Le climat qui nous amène pêche. Ne sous-estimez pas l'évangile sur la terre. La parole de Dieu peut tout changer. Croyez, il te faut tellement croire. Toujours croire Dieu. Prendre chaque parole mot, dire que Dieu pour moi. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je ne suis pas venu assister quelqu'un. Voir comment lui évoluer là. Mais je suis venu pour mon âme. Je suis venu pour ma mère. Pour connaître les merveilles de Dieu. Et pour le louer encore comme ça a été. Une fois encore, il le fera. Amen. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Dire avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Quand Dieu parle, ça engendre les enfants. Sa parole peut enfanter les enfants. Et sa pierre ici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. La vieille prédication de Jean-Baptiste est toujours d'actualité. Même si c'était une pierre sans forme. Infaillible. Et de Sion, il est dit, tous ils sont dit. Et c'est le très haut qui l'a permis. L'Éternel compte en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils sont dit. Et ceux qui chantent. Et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont à toi. Que ce soit en lui Dieu qui se trouve tes sources à toi. Mes sources inépuisables. Des fontaines qui jaillissent jusque dans l'éternité. Des sources de vie qui jailliront jusque dans la vie éternelle. C'est un Dieu qu'il y en a. C'est puissant que tu danses ou que tu chantes. Sache que tes sources sont en Dieu. N'oublie pas une partie de tes sources. Mais que toutes tes sources soient en Dieu. Ne réponds ni à la magie, ni au fétiche, ni au mandona, ni aux politiciens, ni aux puissants de la terre, ni aux riches, réponds à l'Éternel. Le secours de l'homme de ses vanités, ton secours à toi doit venir de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, Dieu illimité. Alors quand on revient au premier verset, il est dit, elle est fondée sur les montagnes saintes. Elle là, c'est la ville de Dieu. Jérusalem. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ville de Dieu. Peuple de Dieu. Enfant de Dieu. Fils de Dieu. Fille de Dieu. Église de Dieu. Croyant à Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Et tu crois que Dieu est fidèle. Pour les accomplir. Quand la parole amène le changement. C'est seulement Melchizedek. Le grand prince et roi. Prêché le 9 janvier 1950. Au parlant 12. Le même prophète Branham dit ici. Voyez, la foi doit être basée sur quelque chose. Pas juste une pensée mythique. Elle doit avoir quelque chose comme fondement sur lequel repose. C'est ce que désire la foi. Maintenant, quand vous croyez que des choses glorieuses ont été dites sur vous, sachez qu'il y a un passage biblique de ça. Les choses dont Dieu te parle, les choses destinées à ta paix, à ta sécurité éternelle, à ton salut, là, à ton bien-être intégral. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Tu es né dans le péché, c'est vrai. Ministère aux Congolais, Rwandais ou Africains, Sud-Africains ou je ne sais quoi. Mais nous sommes nés dans le péché et privés de la gloire de Dieu. Mais le même Dieu qui pardonne, il est appelé à l'évangile pour croire à la vie éternelle, croire à la puissance invisible de Dieu. Voilà sa puissance illimitée. Et la voix, il veut te ramener vers la gloire. Même si le péché t'avait privé de sa gloire, et sa parole te ramène vers sa ta gloire. Et ta parole te parle des choses glorieuses. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous croyons que la parole de Dieu enseigne la guérison des vies. La délivrance de l'âme et la délivrance du corps. Il n'y a pas de malédiction infranchissable. Tout envoûtement, tout mauvais sort, toute condamnation, il y a une fin à ça. Parce que notre Dieu seul possède une vie glorieuse, la vie éternelle qu'il partage à ses enfants. Et enfants qui croient, ils sont bien heureux. Que votre foi soit bénie. La parole du Seigneur, et l'enseigne la guérison des vies, la délivrance de l'âme, et la délivrance du corps. Et nous basons cela sur la parole éternelle de Dieu. On me dit, Benjamin, moi je base cela sur la parole, et sachant que l'éternel, elle est immuable, elle est surnaturelle, elle est infaillible. C'est mon fondement éternel. Fondement de ma foi, fondement de mon espérance, Dieu l'a dit. Ça règle la paix. Advienne que pourra, la parole du Seigneur me gardera. Aie confiance, pleine de confiance, et écoute ton cœur à Dieu, ton Dieu vivant. Qu'il en soit vraiment ainsi. Il faut que ta foi soit inébranlable. C'est tellement important. Tellement important que nous puissions vous le dire et comprendre cela. Dans les sermons, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous savez, c'est le 16 décembre 1969. On parle de ça il n'y a pas longtemps ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 2. Maintenant, nous savons que quand un corps est guéri, ça nous rend tous heureux. Parce que nous savons que ça manque. De façon certaine, que notre Dieu guérit les malades. Est-ce qu'il n'est pas encore au tabernacle des chrétiens? De loin et de près, même ceux qui sont ici, même ceux de l'autre qui sont loin, oui et amen. Ça démontre de manière certaine Dieu qui est notre Dieu guérit les malades. Mais cette personne malade, s'il vit assez longtemps, il était fait qu'ils soient encore malades. Peut-être de cette même maladie dont ils ont été guéris. On n'enlève pas la guérison. Le médecin va donner un médicament contre la prémonie. Et il ne sait pas que deux jours plus tard, il met une prémonie. Il voit qu'il les a déclarés guéris. Elle réagit de nouveau la maladie. Mais quand cet homme est guéri, alors vous avez en vous la vie éternelle. Tenez jamais à refaire. Tenez jamais à reprendre. L'esclavage du péché est fini. La domination du mal est terminée. Les liens du péché sont brisés pour la charité. Si l'offense vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais il n'en est pas ici pour la guérison du corps. Dans la guérison du corps, nous l'avons dit, c'est la guérison temporaire. C'est la guérison de l'âme. Et c'est une guérison éternelle. Jamais à refaire. Jamais à reprendre. Amen. La maladie du péché ne te dominera plus. Amen. Le guillon du péché ne te vaincra plus. Je crois en un sauveur parfait. Amen. Qui sauve parfaitement. Amen. Car l'âme est destinée à être éternelle. Mais c'est le péché qui brise l'espérance de la vie éternelle pour l'âme. Comme c'était écrit dans Ézéchiel 18, verset 4, l'âme qui presse, c'est celle qui mourra. Mais Dieu, en façonnant l'âme, il l'a voué à l'éternité. Il voulait qu'elle vive éternellement. C'est le péché, la transgression. L'incrédulité est venu nous couper. Et le chemin de l'espérance pour nous amener dans l'opprobre et la honte. C'est pour cela qu'une fois sauvé, vous n'aimerez plus transgresser la parole. Vous n'aimerez plus tromper. Vous n'aimerez plus faire le malin avec votre Dieu. Vous ne voudrez plus viser. Plus intelligent que Dieu. Une fois que votre âme est sauvée, la parole de Dieu devient votre vie. Vous aimez faire tout ce que Dieu fait. Tout ce que vous connaissez de la vérité, vous aimez rien le pratiquer vraiment. L'attitude d'une âme réellement sauvée. Je ne vais pas encore principe dans le mal. Je ne trouve encore normal de vivre dans le combat. Dans les sermons, Jairus, le croyant en secret. Le 4 juin 1955. Toujours guérison physique, guérison spirituelle. Étant donné que ceci est plus ou moins un message de foi, un message de foi pour la guérison divine, pour l'agression divine en second lieu. Mais notre foi en Dieu vise d'abord le salut de l'âme. Vous savez. Notre message est un message de foi. Mais qui doit produire secondairement la guérison divine. Dans les domaines physiques. Vous voyez. Mais notre premier motif. Dans ces réunions. Étant de sauver les âmes perdues. Encore, peu importe s'il est cloué ou dit, s'il est malade, un jour il va mourir, même s'il est parfaitement guéri ce soir, un jour il mourra. Mais cet homme, qui est immortel, une fois guéri, elle vivra éternellement. La guérison divine, on dit souvent que c'est pour les réunions de guérison. Et l'accent est mis uniquement sur la guérison du corps. Si vous remarquez pratiquement, 80% du ministère de Jésus-Christ était centré sur la guérison divine. Mais la guérison divine est comme la part qui est sur la maison. Vous ne montrez pas la maison au poisson. Mais vous lui montrez la pâte. Alors quand il avale la pâte, il avale aussi la maison. C'est donc ainsi que nous concevons la guérison divine. Dieu a établi dans l'église les grands signes et prodiges pour amener les pécheurs à prendre conscience de sa présence. Et c'est comme le don de parler en langue. Il n'est pas destiné à celui qui croit. Mais à celui qui ne croit pas. Vous voyez, ce sont des signes pour l'incrédule. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'incrédules. Or, tous ces signes que Dieu place dans l'église, et pour que les participants occultent, pour ceux qui approchent le service divin, ceux qui approchent les enfants de Dieu, ceux qui approchent les chrétiens, prennent conscience que Dieu est présent. Qu'ils prennent conscience de la présence de Dieu. Malheureusement, plusieurs demeurent incrédules. Même après avoir remarqué que Dieu n'est pas loin. Même après avoir constaté que Dieu est proche d'eux. Ils demeurent malheureusement incrédules. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'incrédules. Or, Dieu veut guérir ton âme. Il veut sauver ton âme. Dieu a une vie éternelle pour ton âme. Dieu veut te donner la vie éternelle. Dieu s'appelait, ne reste pas volontairement incrédule. Ne reste pas indéfiniment incrédule. Il faut rompre avec toute incrédulité. Car l'incrédulité est la chose qui te fait désobéir à la parole. Elle va mettre les boucles d'oreilles. Après on demande. Mais toutes les prédications que tu entends, tu les mets où? Écoute à Kawati. Ma toi est là-bas. Que Dieu ait pitié. Amen. Ne faisons pas le mal. Dieu n'aime pas les gens rusés. Il veut que tous se répandent. Que Dieu va la parole, chacun s'humilie. Pour expérimenter les promesses du Seigneur. Pour la combi que la personne n'a qu'à la place. Et tu de ceux-là qui vont s'humilier. Es-tu de ceux qui prennent conscience de la présence de Dieu? Même quand vous dites ministère, où il y a ministère, c'est pour vous faire prendre conscience de la présence de Dieu. Ça doit vous faire prendre conscience que Dieu est présent. Dieu parle. Dieu agit. Dieu travaille. Dieu opère. Prenez conscience. Mais quand vous prenez conscience, ne vous arrêtez pas à la prise de conscience. Allez jusqu'au changement. Que votre vie change. Que votre spiritualité change. Que votre caractère change. Et chaque jour, vous mouriez au vieil homme. Vous marchez à nouveau de vie. C'est ce que Dieu a servi. Mais c'est pour là. Amen. On a lu dans Marc 5. Le témoignage bien connu de la femme à la perte de sang. Vous savez comment elle a souffert ça et là. Transformation. 12 ans. Mais elle s'est dit en allemand, j'arrive à toucher le bord du vêtement. Je sais le guet. Naomika. Ce n'est pas une promesse qu'elle avait entendue. Elle n'était pas dans une condition comme la tienne et la mienne. Où tu as entendu beaucoup de bonnes nouvelles. Où tu as entendu des choses glorieuses qui ont été dites de tes doigts, auxquelles tu as dit amen. Elle n'était pas dans la même condition que toi. Mais elle s'est dit à elle-même, j'arrive à toucher les bords de son vêtement. Il ne l'a pas entendu nulle part. Elle n'avait aucun exemple à reproduire. Personne ne l'avait fait avant elle. Mais elle s'est dit à elle-même, l'inspiration était originale. C'était un premier cas dans l'histoire. Et elle a marqué son temps. Aujourd'hui, c'est ton temps. Tu peux faire des exploits avec le Dieu vivant. La foi est illimitée. Elle croira tout ce que Dieu dit. Elle croira que Dieu est infiniment puissant. Allez avec Dieu jusqu'à aussi loin qu'il vous amènera par sa puissance. Et par sa vie. Cette femme était dans une condition de faiblesse. Et toi, tu es dans une condition d'affaiblissement. Dans certaines vérités, tu les entends être répétées. Tu fais les entendre des trois fois. Mais elle n'avait pas à dire. J'ai entendu parler seulement de Jésus. Mais c'est le péché, mon cher ami. Qui est dans une condition meilleure que la femme à la perte. Dieu t'a donné plus de faveurs que cette femme. Je te dis que c'est la vérité. Ah, toi qui es membre de lui, il y a la possibilité d'écouter, même réécouter la prédication. Des faveurs beaucoup plus nombreuses que celles qu'avait la femme à la perte. Si malgré tout ça, si je vais être crédible, alors si elle est plus malgré l'esprit, ça doit paraître une malédiction. Ils vont être plus lourds. Parce que Dieu t'a favorisé mieux que elle. Mais pour elle, malgré que c'était un premier cas de l'histoire, après l'étape la dernière assise, elle a marqué son cas. Et dans les évangiles, nous revenons sur son cas. Parce que sa foi était héroïque. Elle a obéi à une inspiration originale. Il n'avait rien de charnel à imiter. C'est son âme de porte à faire. Et partout les matins, les prêchés nous parlons d'elle. Et nous, on est très chers, nous avons parlé d'elle plusieurs fois. Et son âme de porte à faire. Qu'est-ce que c'est? Quand elle a expérimenté la révélation qui lui était venue à cœur, elle est allée appliquer ça. Elle a donné immédiatement les résultats. Quand votre révélation vient, vous avez dit. Ce qui nous est venu, oui, c'est le temps. Alors, il y a certitude dans l'action. Exactement. Vous n'avez pas à douter. Exprimez ce que vous croyez. Soyez ferme dans ce que vous faites. Les résultats sont certains. Car Dieu ne ment jamais. Dieu est l'auteur des paroles infaillibles. De l'inspiration parfaite. De la révélation exacte. Ce qui vient de Dieu est bien conçu. Regardez cette femme. Elle a touché. Elle s'est enfuie. Elle a ressorti au-delà d'elle. Au même moment. Que son mal a fait. Le cinéma du poulet. Stop. Un stop net. Seulement. Comme un frein d'automobile neuf. Le voilà frais à vous pour qu'elle s'y Stop. Plus rien ne bouge. Et là, comment vous allez silence et paix. Pourquoi? La foi a triomphé. La foi du cœur a gagné la bataille. Bataille que l'argent ne pouvait pas gagner. Bataille que le promenade dans les cabinets de médecins ne pouvait pas gagner. Mais la foi a résolu ça. En un instant, en un clin d'œil. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Reposez-la sur la parole éternelle de Dieu. Elle ne vous trompera jamais. Elle ne vous détiendra jamais. Alors Jésus a demandé. On a connu aussi tout qu'une vertu est sortie. Il y a beaucoup de qui. Et il dit, qui va toucher? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va me condamner peut-être. Il va m'humilier ici. Il va me maudire. Qu'est-ce que fait moi? il est vrai que je suis déjà calice. J'ai déjà calice que je vais réaliser. J'ai obtenu ce que la fiable me dit. Vous voyez que ma famille ne pouvait pas m'offrir. C'est que mes relations les plus glorieuses, c'est vous qui m'avez donné. Dans la foi, je vous dis. Qui m'a touché? Viens, recommence à toi. Mais tu vois bien que je vous Jésus ne se dit pas. Lui n'a même pas répondu. Il a tourné le regard. Et la femme est prise. Moi, si vous avez à combien de caillards. Dieu sauve. Parce que c'est caillé. Ma bonne mère est camotée. Amen. Elle est à combien. Amen. Et puis, aux autres, à combien. Amen. Elle-même est prise. Il est mort pour la mouvance. C'est la folie. Qui me dit, c'est jeté à cette fois. Ça, c'est ça. Ça, c'est pas essayé. Dans une boîte de Kawana, à ça, les autres valises. Qu'il fasse de moi tout ce qu'il voudra. Voilà comment on s'abandonne au Seigneur. N'écoutez pas vos cinq sens. Écoutez votre voix. Et dites la vérité au Seigneur. Dans vos prières, soyez sincères. Dites-lui toute la vérité. Et lui a dit ce qu'il a nécessaire. Voilà. Voilà. Voilà. Même si Jésus pouvait prononcer une malédiction. La vérité qu'elle a dit, dans son vie, a atténué tout. Et c'est le Christ qui le sort. Alors, il lui répond. Elle est liée. Au verset 34. La maman a tout commis, ça peut venir. Va en paix, ma fille. Et là, qui vient, moi. Ta foi t'a sauvé. Au nom de Dieu. Et sois guéri de tout ton mal. Et le Christ qui va pas de la confirme encore la guérison. La parole confirme la guérison. Elle livre la clôture sur la guérison. Guérison dont elle était déjà chez moi. Dont elle était déjà consciente. Elle l'avait avant déjà reçu. Et la parole livre la clôture. Pour guérir de tout mal. C'est l'histoire du Seigneur. Il est ici et il confirme. Amen. Que Dieu. Je prends une déclaration ici. Dans la prédication, puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Puis Jésus vint à l'heure la plus sombre. Il y a mon lit tout. Le 14 novembre 1957. Par exemple ici. Il a regardé tout autour et il a vu la femme. Comment s'y était-il pris? C'était un secret, mais il l'avait repéré. Et il a dit, petite femme, à la perte des sangs, ta foi t'a sauvé. Suivez. Ta foi t'a sauvé. Maintenant, examinez ces mêmes mots-là. C'est le mot grec sozo. Sozo. S-O-Z-O. Vous voyez bien? Sozo s'applique au salut de l'âme ou du corps. Sozo, c'est-à-dire que ça, les mapendas, dans le dico, il y a un sozo, il y a moins. Il dit, ta foi dans le corps, c'est même que ta foi te sauve dans l'esprit. Et c'est le même mot grec sozo. Est-ce vrai? Très bien. Voyez le même mot. Ta foi t'a sauvé dans le corps. Et bien, que faisait-elle? Elle est tirée de lui. Eh bien, lorsque le Père lui donnait une vision, là c'était les anges. Quand Jésus voit une vision, il va faire ce que la vision montre. Quand il voit une vision, il va annoncer ce que le Père a annoncé en vision. Là c'est différent. Mais pour cette femme ici, Jésus n'avait pas eu de vision. C'est elle qui est venue avec sa foi. De toute vision de Dieu. Et elle a utilisé sa foi. Mais avec un peu de temps, elle a utilisé sa foi. de Jésus-Christ, la guérison divine dont elle avait besoin. Et cette foi authentique qui ne joue jamais a réussi coup sur coup. La même foi et les tambours rendra les mêmes résultats. Vous amènera les mêmes avantages. Vous donnera au même privilège. Que votre foi soit authentique. Pas trafiquée. Pas artificielle. Pas intellectuelle. Quelle soit la foi du cœur. Inspiré par la parole, basé sur la parole, sachez qu'elle sera infaillible. Elle n'échouera pas. Et la même foi qui produira la guérison de votre corps, sachez que la même foi produira le salut de votre âme. Croyez Dieu de manière inébranlable. Est-ce que tout le monde écoute l'exhortation? Soyez posé dans la foi. Soyez fixé dans la foi. Arrêtez de bouger à tout vent. Soyez stable dans la foi. Résistez aux épreuves. Résistez dans les batailles. Soyez fort au front. Votre foi triomphera. Car elle est beaucoup plus favorisée maintenant. C'est le cas de la femme à la fête des femmes. Qui est dans les conditions d'un affaibli. Mais elle, elle était en train d'essayer. Elle était inévitable. Mais toi, tu es affermi. Parce que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Je les ai entendues. Et nous ne voulons pas que vous soyez emportés loin de cela. Amen. Que Dieu bénisse cette exhortation. Lève-nous pour la prière. Que nous parlions au Seigneur. Chacun pour sa part. Je voudrais te guérir. Donne à ce salut. Je veux t'élamer ta souffrance. Mais pour avoir ta délivrance, il faut t'apprendre dans mon pays. Voici, voici, je m'attends à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. Oui, Père, honneur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Voici, voici, je m'attends à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur, c'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi? Et pour toi je donne ma vie. Ton cœur est-il l'hôtel de Dieu? Semble semer, mais pour ton roi, souvent, souvent, année après année, je crois, je crois, je frappe mes enfants, voici, voici. Laisse-toi de la journée, ne veux-tu pas m'oublier enfin? N'auras-tu pas besoin de moi? Viens donc dans la nuit perpétuelle. Dès aujourd'hui, viens de mon aile. Je serai tout, oui tout, pour toi, le temps de... vie ne m'attend pas. Pourquoi renvoyer à demain tout ça, tout ça? Un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre, jusque à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître, ton sauveur. Le et le bonheur que je t'apporte, ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Voici, la confiance de ta présence. Je suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Prions chacun maintenant. Je t'appelle à la nouvelle naissance. Je t'appelle encore à naître de nouveau. Dieu veut sauver ton âme. Il guérit l'âme et le corps. La guérison du corps est secondaire. Elle est temporaire. Celle de l'âme est éternelle. L'esprit au niveau. Parle au Père. Qu'il était secours encore. Prions chacun. Dieu tout-puissant, notre Père céleste, Reçois favorablement nos prières. Nos requêtes et nos supplications. Amen. Souviens-toi de notre sœur Francine Bouy, qui a envoyé cette requête de prière pour que les enfants de Dieu pensent à elle, vu que sa santé est tourmentée par la malaria. Puisse-toi Dieu rétablir sa santé. Amen. Donner une guérison. Soulager de près et de loin. Ta main n'est jamais courte. Ta puissance est illimitée. Elle intervient dans tout l'univers, même dans l'au-delà. Tu es Dieu, propriétaire des univers, qui domine partout. Père, guéris-la. Guéris aussi les nôtres qui ont des problèmes de santé. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écrire, mais qui se l'ont dit. Qui les murmurent dans le cœur. Qui réclament la guérison. C'est toi Dieu qui guéris le corps. Et tu guéris aussi l'âme. Je prie que tu penses à chacun ici. Pour briser le régime de l'incrédulité. La tromperie spirituelle. Amen. Toutes les souillures de tout genre. Débarrasse tes enfants de cela. C'est toi le libérateur. Si tu ne fais rien, rien ne sera fait. Tu vois que c'est le fils vous enfermez. Vous serez réellement libre. Donne cette liberté aux âmes. C'est l'imbrance du corps et de l'âme. Et toi, c'est une autre source. Toutes nos sources sont à toi. Pour en être dans ton royaume. Reste sans Sion. Reste sans haut. Oh Dieu. Exauce-nous, enfants de tes enfants, engendre de tes enfants, selon les principes de ta parole, par ta parole de vérité, et que le vieil homme tombe complètement, et que l'homme nouveau soit revêtu, et marchions à nouveauté des vies. Seigneur, nous comptons sur toi, et tu sais que nous n'avons que toi, toutes nos sources sont en toi, notre fondement de foi c'est en toi. Oh Jésus, édifie cette foi, affermis-la pour chacun, consolide-la Seigneur, rends-la inébranlable, que de chacun de nous puisse vainqueur, pardonne nos faiblesses, guéris-nous de tous ces maux, pour nous mettre en arrière, et donne-nous un pas en avant, et progrès chacun, que nous allions de l'avant, au nom de Jésus-Christ, console le nôtre, là-bas, à l'église, tu es dans le tabernacle. Seigneur, sois la délivrance là-bas. Délivre nos frères. Console leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Voilà, effectivement, comme je l'ai mentionné en prière ici. L'église Pierre-Angile Tabernacle, que dirige notre frère Kennedy, était prouvé. Adalina Samabawa, de mon frère est décédé là-bas. Le frère Abel Baléo. Abel Baléo. Un inconnu pasteur pour la plupart ou la totalité d'entre nous ici. Madame Sousse, bonjour, ma carte, le soleil est il est mort sous le sommeil. A coupé la terre. A juste dormi, il s'est pas relevé, il est mort. A l'ami, à la quitté, à coupé. Alors, pour prenons le masque debout pour une minute de silence. Vous pouvez écouter le masque de l'eau, on a voulu vous moquer, c'est bien. A voir que nous sommes prélevés sur la paix. Je vais laisser nos amis, à l'équipe de l'âme. Je sais quand et comment chacun de nous quittera. Dame, vous voyez, dit, dans mon ami, fait le lingénini, pour faire beaucoup de monde qui vient. Il y a un paquet d'office. Et donc, pourquoi tu es en réalité ? Réunion Dieu. Tout pas maintenant. Une personne est décédée, le reste des choses sont aux mains de Dieu seul. C'est en ce chemin que nous laissons nos âmes. Makasi, na boko na ile zeko tikano.